sur le campus à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières. Vous écoutez les palmarès, c'est fou! Ferme la porte, les ailes de poulet vont rentrer. Oui, l'odeur. Mmh. C'est les palmarès, c'est fou pour la semaine du 12 au 18 janvier 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Ah, on est à l'heure pile. Exactement, là-bas. Pour ceux qui écoutent le mercredi, vous savez, c'est le marathon de Mathieu Plante qui continue. Le Mathieu Plante raton, je sais pas comment on va appeler ça. Faudrait trouver un petit nom marketing parce que je vais faire une pub pour les marathons Mathieu Plante. Ah oui, parfait. C'est pas pire, ça. Ouais. Donc, bonjour Jean-Philippe. Je travaille là-dessus dès maintenant. C'est pour ça que j'ai une petite absence. L'émission ne servira qu'à ça. Oui. Jusqu'à 18h le mercredi. Je vais avoir des, 20h, je vais avoir des petits flashs à m'amener. Ouais. Tu sauras pas pourquoi. Puis je vais te dire, Mathieu! Il faut faire une joke de ça. J'ai une idée. Donc, dans les palmarès C'est fou, ce qu'on fait, bien sûr, c'est le condensé des 40 meilleures pièces selon les animateurs de C'est fou. On a aussi le petit segment pour dire au revoir aux pièces qui nous ont quittées. Mm-hmm. Ça, c'est comment, déjà? Ça, c'est Permanence in Peace. Exact. Les meilleurs moments d'assemblage requis. Uh-huh. Qui ont lieu les lundis, du lundi au jeudi, entre 6h30 et 9h30. Un instant classique, je pense. C'est ça qu'on appelle? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, je cherchais le nom de la chronique. Ah oui, un instant classique, je pensais que tu l'avais dit. Non. Et le segment où on retourne dans le passé. Oui, où c'était fou. Mais ouais. Le palmarès, c'est bien plus qu'un top 20 des top francophones et anglophones, hein, Mathieu? Donc on va regarder ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Exactement. C'est les quatre segments récurrents des palmarès C'est fou. On va débuter avec la portion new shit de l'émission, bien sûr, comme à chaque semaine. On a 5 nouvelles entrées cette fois-ci. Il y en a 3 en anglo, 2 en franco. Plus tard, on entendra entre autres Brother Octopus, Walk the Moon, Brave Shores en 20e place tantôt. Chocolat, francophone, mais pas tout de suite. On va commencer. En fait, on va savoir également si c'est notre numéro 1, puisque je veux plugger le numéro 1. T'as bien raison. L'ancien numéro 1 de la semaine passée, c'est Caravane en francophone avec Saint-Raymond. Alors qu'en anglo, c'est The Pretty Reckless avec Absolution. C'est où c'était, hein, on le sait pas. Ah, ok. Mais pour le moment, on va commencer avec la 20e position francophone. C'est Mauve avec Ruelle. Au 89 FM, c'est des palmarès, c'est fou. Pour ceux qui se le demandent, Ruelle, ils mettent un S. Donc, c'est une toune de plein de ruelles. De plusieurs ruelles. Ouais. Tu sais, mettons Francine. Voilà la seule que je connais qui a un nom de famille, Ruelle. Oui, mais il y a aussi Patrick Ruelle. Je peux pas battre. Ça va être une bonne émission. Il te faudrait nouvelle entrée. Une toute nouvelle entrée, toute fraîche, The Brave Shores, World Beneath the Sea. Moi, j'ai adoré ça, c'est sur leur album homonyme en 20e place anglophone. Deux chansons quand même très longues. Côté francophone, oui, j'ai aimé ça aussi. C'est pas ma préférée. Je pense que la petite, toi non plus. Moi, c'est non plus. Mauve, ouais. Avec Ruel. Disons qu'on va laisser une chance à ce nouvel album-là, Le Faux du Soir, mais ça commence un petit peu trop calme pour du Mauve. Je m'attendais à d'autres choses d'eux. T'sais, on était habitué à un petit peu plus entraînant, un petit peu plus rétro style. Mm-hmm. En tout cas, mais bref. On y reviendra à Mauve, on va se laisser le temps de l'écouter un peu, là, c'était quand même sa première écoute. Et voilà, exactement. Maintenant, en position numéro 19 et 18, il y a trois nouvelles entrées là-dedans et on va sauter une pièce. Donc, en anglophone plus tard, il y aura Brother Octopus avec Bigfoot et on va débuter, l'anglo parce qu'il va y avoir du franco-français, mais avec Walk the Moon et Shut Up and Dance sur l'album Talking is Hard. Oui, nous, du côté francophone, 18e place, ça tombe de la 11e. C'était Oli Laroche qu'on n'entendra pas envelopper ensemble, mais on va écouter tout de suite Chocolat avec Méfiez-vous du Bougalou. Bougalou! Au palmarès, c'est Bougalou! Bougalou de Boubou. Oui, Boubou. Oui, Boubou. C'est avec les appendices. On aurait dit. Moi, c'est Yogi l'ours puis Boubou. C'est vrai. Chacun ses références. Et voilà. Jeunesse. Son gros nez. nouvelle entrée. Saw Bigfoot in the yard last night, although no one believes me. Fucking world. similar to Chewbacca. His only weakness is lava. I heard he ate Lady Gaga. Probably killed Osama. Une nouvelle entrée de Brother Octopus Bigfoot en 18e place anglophone. Ça a été un poste d'écoute, ça, à Assemblage requis par Stéphanie Paradis au mois de décembre. Super. Et puis nous, 18e place qui a tombé de la 11e. On n'a pas écouté Oli Laroche enveloppé ensemble, mais on a écouté de la 19e francophone. Nouvelle entrée, Chocolat, méfiez-vous des Boogaloo. Et au milieu du bloc, c'était Walk the Moon et Shut Up and Dance. C'est pop, ça sonnait un petit peu, je sais pas. Oui, Franz Ferdinand. Ouais. Un petit peu soap, là. On aurait pu avoir genre des gens en arrière. Là. Ça aurait pu être Newport Beach. Oui. Talking is Hard, le nom de leur album, Walk the Moon. Donc, les nouvelles entrées, c'est terminé. Comme on a accueilli 5 nouvelles entrées, JP. Mais oui, il faut dire au revoir à celles qui nous ont quittées. Donc, Palmaris in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Goodbye. fait des extraits des pièces qui ont quitté les palmarès assez fous depuis l'édition du 5 au 11 janvier 2015. On a commencé avec l'extrait de Chocolat Burnout qui est resté avec nous cette semaine. Ça s'est essoufflé, c'est parti en dépression. Deux pouilles en cavale qui sont enfuies vers les déserts lointains avec leur pièce Ouais mais là qui a duré 6 semaines. Mm-hmm. Melly Grove Ben avec Don't Wanna Say Goodbye, 5 semaines avec nous. On leur a dit bye bye. Oh bye bye. Electric Youth a pogné un choc puis s'est enfui en courant Runaway avec 7 semaines. Hey, and you will know us by the trail of death, million random digit, 3 semaines, 3 maigres semaines pour eux. Eh oui, c'est très court, mais c'est une pièce intense, élevée un petit peu, puis tu sais, on la fait pas jouer tellement vu que. C'est élevé. C'est lourd, oui. On dit, c'est lourd. Donc voilà pour Palm Rest in Peace, où on dit au revoir aux pièces qui nous ont quittés. On fait ça en début d'émission, juste après les new shit. Voilà. Maintenant, on va sauter par-dessus quelques pièces anglophones parce qu'elles sont vieilles, c'est bien dommage, mais pour l'instant, on va sauter en 17e D-Mannequin avec Sucker Punch, en 16e Rich Aquin avec Four More Years qui descend de la 9e, et en 15e TV Light de Return for Refund qui est stable. On va écouter les 17-16-15 d'un coup sec en franco. Ben oui, c'est ça, exactement. On va commencer. Ben en fait, non, on commencera pas. On va entendre plus tard Garoche ta sacoche. On va également entendre les passagers, mais on va commencer tout de suite avec les Gun Mashup avec le King du Nintendo. Ah ouais. En 17e position. On joue à deux joueurs. Two players. Deux joueurs. Ah, ouais. Ah, c'était pas celle-là. C'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Non, ça c'est... Ouais, t'as raison, c'est l'autre, ça. Et voilà. Ça, c'était l'ancienne numéro 1. T'as bien raison. Ah, c'est l'autre. C'est l'autre. Voilà. Trop habitué, je pense. Je pense que je la faisais jouer trop souvent. Ouais, ça se peut. Le truc de la shop. On m'a déjà dit, Mathieu, tu peux jouer d'autres choses que ça, des fois. Ça arrive. C'est pas sûr. On m'a déjà dit ça. Ouais, ben tu sais, j'ai une collimatrice chialeuse, on va se le dire. Mais je la salue, ben fait. C'est bien vous, Mathieu Plante. Vous devriez mettre d'autres choses. Mais je me rappelle quand j'étais jeune et que j'étais rempli d'espoir. Je brigue à toute la main de l'alphonse que j'étais parti pour la gloire. J'étais curieux, bien humain, fallait toujours en savoir plus. Je savais pas où je m'en allais, mais je suivais ceux qui le savaient. Perdu dans les dédales de l'administration. Je pensais bien que j'étais un homme, mais j'étais encore un garçon. Mais je me rappelle quand j'étais jeune et que j'étais rempli d'espoir. L'esprit que tout avait dans le fun, que j'étais parti pour la gloire. J'étais parti pour la gloire. J'étais le king au Nintendo. On trippait ses Ninja Turtles. Le gros du baby c'était Rambo. Avec sa collection de couteaux. En haut, en haut, en bas, en bas. À gauche, à droite. Donc ça traite au PA, PA, c'est l'exarc du million d'y accondre. Un million d'y accondre. Dans le cours d'école, c'est une autre affaire. Les Nintendo, c'était pas bien hot. Mais y'a m'enlevé ma calotte. Il me traitait de fif, il me smashait en face. Le ballon rotatif. Aujourd'hui en tout des petits, dirais que juste moi qui en fais pas. Je suis toujours pas au signe que je vends. Mais j'aimerais bien savoir la Gaspésie. Oh ben j'ai reçu par la poste un Tamagotchi. Est-ce quelqu'un qui pourrait m'aider, s'il vous plaît? Oh j'étais le king au Nintendo. On trippait ses Ninja Turtles. Le gros du baby c'était Rambo. Avec sa collection de couteaux. En haut, en haut, en haut, en haut. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Au pays. Un million de vies à contre. Un million de vies à contre. Ce sont des fois que je trouve que je suis bien mêlé. Pour moi j'ai un paquet de projets. Pense que dans le fond ce que je veux me prouver, c'est qu'il y avait moi mon nom, c'est Sonia, mais on m'appelle Sonia. Oh, que c'est ça? Opéra, Canada, Eczema, Lambada, Pensia, Tapioca, bon, Anano. Faut que je te parle. Mais voyons, qu'est-ce qu'il y a là, Sonia? Toute ma vie, j'ai rêvé de m'appeler Rosalie Poulain Trépanier. Thank you. passagers et le ciel est noir en position numéro 16. Ça monte de 3 places du côté franco. C'est une nouvelle entrée la semaine passée. Mm-hmm. On a également entendu Garoche ta sacoche qui est passé de la 18e à la 15e position. Et on a commencé le bloc avec les God Mashup avec le King du Nintendo, 17e position. C'était en 20e la semaine passée. Du côté anglophone, on a sauté par-dessus les 17, 16 et 15. Donc Demon Queen, Rich Aquin et Return for Refund qui ont bougé un petit peu dans le palmarès. Mais pas assez pour se démarquer, pas assez pour qu'on les joue, tu sais. Voilà, on est comme ça. Faut bien qu'on saute par-dessus quelque chose. On va avancer aux 14e place tout de suite. On va essayer de rentrer le plus de pièces possible dans cette fin de première heure. Il nous reste à peine une vingtaine de minutes avant d'entrer dans le top 10. Donc, en 14e anglophone, on entendra The Bar Brothers et Even the Darkness Has Arms. Et puis, francophone, même scénario, Mathieu, c'est passé de la 17e à la 14e position, 8 clous. Pourquoi pas moi? On écoute ça au palmarès, c'est fou! 81 FM! Tout compris, tout le monde a des gros seins, tout le monde a plein d'amis, personne n'a peur de rien. Pourquoi pas moi? Je te jure, bébé, j'y arriverai un jour, je vais vivre le pied au plancher. Allez, come on, Alex, déchire! Partie de la vraie vie, oh, tout le monde sait ça à part moi. Pourquoi? Pourquoi pas moi? Je te jure, bébé, j'y arriverai un jour, je vais vivre le pied au plancher. Sworn oath in my history. It's a miracle I can see. You can be wrong when you're right, even when you're right on cue. And if I die tonight, then I die for you. Calling them those that call me son, great grandson or grandson, great uncles, aunts, and relatives to judge what I have done. Gonna make it right by you, even if it's all I do. And if it's all I do, then I do for you. Step chaotically, hurts no one but me. Even the darkness has arms, but they ain't got you. Maybe I have it, and I have you too. And I light in the window to pass the night through. Maybe so uncertain, what can I do? Keeping it on, keeping it on. And I know I like it, but what's that? Sometimes I worry, I don't know how to love you. Brothers, Even the Darkness Has Arms. En position numéro... Oui, c'est ça j'attendais, 14. J'avoue, 14. qui est passé de la 17e également. La même chose en franco avec la chanson... en fait, le groupe Huit Clos et Pourquoi Pas Moi. Ah, c'est les avantages et les désavantages de jaser par les chansons. Oui, de choses qui nous tiennent à cœur. Vraiment, t'sais. ouais. la fin approche pour cette première partie de l'émission. Comme je disais tantôt, on essaie de rentrer le plus de pièces possible en parlant le moins possible dans la première heure. Après ça, on se lâchera loose dans la deuxième, dans la troisième. C'est pour ça que t'as mis un cheveu sur mon micro, pour que j'ai un cheveu dans la bouche, puis que j'essaie de l'enlever, puis que je puisse plus rien dire. C'est mes cheveux. C'est ça qu'on faisait par les chansons. On se brassait les cheveux dans la bouche de l'autre. Se passant comme un autre. Ben oui, on a des choses qui nous tiennent à cœur. c'est ça. Donc, on est rendu aux positions numéro 13. Du côté anglophone, ce sera OK Go. Et leur non moins excellente, la pièce Obsession, je l'adore. Et elle monte de 6 places de nouveau la semaine passée. Et oui, j'imagine que tu en es pour quelque chose si elle a monté comme ça. Peut-être. côté francophone, ça va être Guillaume Beauregard avec Entre les mots et les actes. C'est passé de la 16e à la 13e franco. Tu vois, lui, il a monté puis je l'ai pas fait jouer. Fait que pas juste moi qui fait jouer du palmarès. Hein. Et voilà. C'est comme ça. Ouais. On voulait vous dire comment les choses étaient bien faites. La vie est bien faite. Les hasards. Le hasard fait bien les choses. C'est qui a dit ça? Non, je sais qu'il est en train de chanter. c'est la semaine passée. Qu'est-ce que t'as dit d'intelligent déjà? Moi? Une seule affaire, ça fait le titre de l'épisode, JP. Est-ce que tu t'en rappelles? J'ai dit une affaire intelligente. La semaine passée. Mais rapidement, je vais aller sur assemblagerequipe.com pour voir. Tu vas tricher, JP. non, je me souviens plus. Ça s'appelle pas ta citation d'excellence. Les choses font bien les choses. Ah, ben oui. Passée. J'ai saigné du nez après, je pense. Entre les chandelles et la misère en vrac, je longerai toute ma vie les couloirs dans un magasin à une pièce. Entre un miracle et un désastre, entre le sommeil et la cour à scrap, je longerai toute ma vie les couloirs dans l'ombre et la noirceur opaque.

C'était Kintsukuroi de Hey Rosetta. Ça, c'est la position numéro 12 du côté anglophone sur leur album Second Sight. Côté francophone, côté francophone, on a passé, on a sauté en fait les Deluxe avec un mauvais garçon, c'est descendu d'une place à la 12 pour se rendre à la 12e place, à deuxième position, oui. Et Sago avec Mont de Mars qui est monté d'une place celle-ci pour aller rejoindre la 11e position francophone. Exactement. Des fois, il faut un petit pour pouvoir te remettre en onde. T'sais. Oui, c'est ça. Les micros sont sensibles, ils détectent le son. Oui. Des fois, il faut donner, je parle trop doux au début. C'est ça. Là, il détecte pas, fait que ça fait quelque chose comme ça. Voilà. On vient avec une deuxième heure, c'est fou, le top 10, restez là. Fou d'exploration. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89. C'est fou. Un petit pour ouvrir ton micro, Jupy. Le bloc, parfait, c'est bon. De retour, c'est la deuxième heure des palmarès fou pour la semaine du 12 au 18 janvier 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Oui. Dans cette deuxième heure, leur top 10, on va bien sûr entendre les positions 10 à 6 environ. On va aussi avoir les meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique. Ça, c'est après le deuxième bloc de la deuxième heure. Oui. 2 sur 2. Mais écoutez-la au complet. Ben oui, évidemment, on a 3 heures comme ça de la meilleure musique que s'il faut à vous offrir. C'est comme un cadeau à chaque semaine. Oui. C'est Noël, Noël à l'année. Non, c'est Noël. Je vais pas te corriger, mais c'est Noël qui va débuter là. Oui, exactement. On va commencer avec Noël. Mathieu, tu vas voir ceux qui nous ont écoutés assidûment. Assidûment, ça se dit? Assidûment ou debout dûment ou couché dûment, ce que vous voulez. Assidûment. C'est une autre joke. De... Hey, hein? Il n'y en a pas juste le numéro 1, les jeux de mots, il y en a partout? Ouais, il y en a partout. J'essaie d'en trouver plein, puis là, je me déconcentre moi-même. Mais tu vas voir, ceux qui nous ont écoutés assidûment la semaine passée, vous allez voir, c'est très stable côté top 10. Donc, on va commencer avec Noël. La chanson À courir, c'est stable, 10e position. Exactement. Et suivra Until the Ribbon Breaks, qui, elle, monte de 7 places. A Taste of Silver viendra terminer le bloc, mais pour l'instant, c'est Noël. Allons-y. Joyeux Noël, oui. Joyeux Noël et bonne année. Faut Amélie, j'imagine. Ben oui, bonne ça doit aimé. Être bonne année. Bonne année. Bien aimé. Très aimé, oulala. C'est quoi là? Ou bon amir, parce qu'on va aller manger du chichetel. Oh! Colin, GP. Voilà. Là, tu me donnes faim. Les ailes de poulet, l'odeur des ailes de poulet à la chasse galerie, puis là, en plus du taouk, là. Je sais pas ce que je vais faire. Il va falloir prendre une décision, faire un choix. Ah oh, non. C'est le bout de la chanson, on peut parler pendant 20 minutes, parce que ça commence comme jamais, puis. C'est parce qu'il se réchauffe avant de partir à courir. C'est parce qu'il fait froid, oui, t'as raison. À courir, ça dit dans le titre. À courir. Moi, je vois les subtilités des artistes. T'es un homme doux. Et subtil. Oui, je suis doux. Oui, t'es doux. Savon Dove. Ouais. Elle dure combien de temps? On dirait que je m'en souviens pas du début. 4:45. Non, voilà. Bonne écoute. Clair, Dove. Il faudrait voir plus noir. Il faudrait voir la terre. Il faudrait voir la mer. L'autre bout du monde ne se trouve pas à l'autre bout du monde. L'autre bout du monde ne se trouve pas à l'autre. Breaks monte de 7 places A Taste of Silver en anglophone. Et côté francophone, Noem à courir, c'est stable, 10e position. Ben trop vrai, ça, ben trop vrai. Je veux dire, hey Caroline, c'est donc ben stable du côté des nouvelles entrées. Je regarde le prochain bloc à aller, là. La 9e franco est aussi stable. En anglo, ça bouge un peu, même que ça monte pas mal, de la 20e place à la 9e. Elphinstone et Knock You from a Mountain. Bon, c'est ben toi avec ton anglo, hein? Toi, le franco, t'es stable. Ça stagne. Comme Stéphanie m'a appris cette semaine à l'émission Assemblage requis, dont on entendra des extraits tantôt dans un instant classique. Elle m'a appris que le mot stagnant, le GN se prononce gne. C'est stagnant. Stagne. Ouais, en français. Ah. Eh ben. J'ai l'impression d'être un peu plus con quand je le dis. Stagne. Ben, c'est que t'as vraiment l'impression de te tromper, puis les gens vont te corriger sur ton erreur, puis là, ça va être ça. Fait que tant qu'à ça, dis donc stagnant. Ouais, c'est ça. Tant qu'à ça. En 9e francophone, on s'en va entendre. Oui, Médora Mathieu avec Sillage, on l'a dit, stable, 9e place. Oh, pas mal, c'est fou. Puis après ça, c'est un instant classique, on l'a dit. Les meilleurs moments d'assemblage requis, ça dure 22 secondes. 5-6 minutes. En tout cas, restez là. Le même segment de 22 secondes pendant 5-6 minutes? Ouais. Wow. Mais c'est un maudit bon moment. Oui. Le même moment d'assemblage requis chaque jour. On devrait faire ça. Après Marcel Lebeuf, oui. Chaque jour. Oui. Oui. Voilà.

podcast. Vous êtes dans la zone 89.1. C'était Coco Méliès et Winter Gloves. C'est la position numéro 8 anglophone, ça monte de 3 places. C'est très doux. Oui, c'est vrai. C'est comme l'hiver, hein, où tes poils... Savon Dove. Savon Dove. Call back à plus tard l'émission. Oui. Et côté francophone, 8e place, c'est stable par rapport à la semaine passée. C'est Lubecki avec Laisse-toi aller. Et c'est ce qui nous amène à C'était fou. Et cette fois-ci, on recule à la semaine du 6 au 12 janvier 2010. Ah. Home, I entertain. understood. Tears rolling down your face. The vapors all up in the place. Guess I'm alive. C'était le bloc C'était fou pour la semaine du 6 au 12 janvier 2010. On a débuté avec Valès Parietar et Bois Vert sur l'album La Mer était vide. Ensuite Air avec So Light as Your Footfall sur l'album Love 2 qu'on dédie à Danny Janvier du dîner de con qui aime beaucoup Air. Et on a terminé avec Islands, une de mes pièces préférées de l'histoire. Vapors sur leur album Vapors. C'est donc magnifique. Très bon bloc. Et Colin, bloc qui tue. C'était fou. On fait ça en milieu d'émission environ chaque semaine. On était rendu au portion numéro 7 avant de se quitter tantôt. Donc, en 7e anglophone, ça descend de 3. C'est The Pack 80 et Cellophane. Et j'en surprendrai pas un en disant que Dumas Voodoo est stable en 7e place en francophone. Ah, c'est pas ça. Voodoo, Saint-Tropez, c'est pas ça? Non. Non, c'est pas. Non. Voobidoobidoo, where are you, la tune de Scooby-Doo? Non, elle a été vraiment trop longue, mais c'est une chanson de bateau, ça, Dumas. Parce que tu peux écouter en haut du mât. Et t'as un peu tiré par les cordes, celle-là? Ouais, un petit peu. J'ai aussi vendu un petit peu mon punch avant de puncher. Ouais, c'est ton punch, là, comme à l'usine. Ouais, ouais. Des hits. L'usine des hits! Oui, c'est ça. Seulement, ouais, c'est fou! Je suis rendu en heure supplémentaire sur mes hits, sur mes punches. My Chaque gorgée de rhum me ramène au début de nos histoires. Chaque gorgée de rhum me rappelle que c'est l'automne. J'ai plus envie de boire pour oublier qu'il faut recommencer. Je me fous des rockstars de fin de semaine puisqu'ils pensent de moi. Van en position numéro 6 francophone. C'est l'ancien numéro 1, ça s'appelle Saint-Raymond. Avançons de sauter par-dessus la 6e anglo, JP. Oui, tout à fait, Mathieu. C'est The New Pornographers avec Dancehall Domine. Exactement. 7e place anglophone, on a écouté The Pack 80 avec Cellophane qui descendait de 3 places. Et francophone, c'était Duba avec Voodoo, stable en 7e place. Oh oui. C'est ce qui fait le tour du top 10, Mathieu. Oui, dans l'usine des hits. au retour, la 3e et dernière heure, le top 5 des palmarès, c'est fou. Le buzz, c'est fou. Le buzz. Nous autres, à C'est Fou, qu'est-ce qu'on ferait à la place du buzz, mettons, pour oui. être rebelle, mettons, là, oui, pour être rebelle, ça va être des chansons qu'on joue pas. Qu'on jouerait jamais, mais on l'a fait jouer une fois pour montrer ce que... Non. On l'a fait pas jouer du tout. Non, c'est ça exactement. Fait qu'on pourrait dire que Marimé vient de rentrer dans le buzz, c'est fou. OK. Elle jouera jamais là. Puis là, mettons, on la joue pas maintenant, là. Oui. Fait que vous écoutez pas ça en ce moment. Pas, c'est pas ça. Mais on passe des pubs pareils, mettons. Oui. Ça fait que ça, on peut écouter ça. Ça, on peut écouter pareil. Ça. Go. Fou de primeur. Vous êtes dans la zone 89.1. Yeah! Toujours dans l'usine des hits. Il est pas mal assez fou, 89 FM, pour la semaine du 12 au 18 janvier 2015. Il est Jean-Philippe Chabonneau. Il est Mathieu Plante. On écoute un condensé de la meilleure musique que s'il faut à vous offrir. Les 20 meilleures pièces francophones, les 20 meilleures pièces anglophones, tout ça décidé par les animateurs de C'est fou. Mm-hmm. Mais sachez-le, dans ce bloc-ci, nous n'aurons pas que ça. Hein, non, c'est vrai. Parce que. Mais aussi, parce que c'est pas juste ça, là. Il n'y a pas rien que ça dans la vie, là. Non. Il y a d'autres affaires que chez les top 20 franco-yonglo. On a également un top 30 albums, un top 3 disques canadiens, un top 10 loud et un top 5 musique du monde. Exactement. On va faire ça dans une 10-15 minutes environ après les deux premiers blocs, comme toujours. Ça dit ça dans une 10-15 minutes? Bon. Comment? Moi, je dis ça. Ben oui, moi, c'est ça. On va savoir si la fin c'est le numéro 1 anglophone et toujours The Pretty Reckless avec Absolution. Et nous, on va découvrir c'est qui notre nouveau numéro 1, puisqu'on le sait, c'était Caravan, notre ancien numéro 1, et il est rendu 6e position. On l'a entendu tout à l'heure. On commence avec les 5e places en anglophone, Lisa Leblanc et Golding and Hoedown qui montent d'une place. Et ça monte d'une place côté francophone, les Marinelli. Je sais pas pourquoi j'ai de la misère à le dire, c'est pas si dur que ça. Je pourrais pas te dire. Les Marinelli avec Sous la Lune. Ben, si t'es aimes tant Marinelli-don-lait. Marie-le-don, ça je le dis. Marie. Ouais. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des Marinelli. Fourrés à la viande. Lisa Leblanc et Golding and Hoedown, ça monte d'une place en anglophone. Ça monte également d'une place franco, les Marinelli avec Sous la Lune. Eh oui, eh oui, eh oui. C'était bien bon, les cinquièmes positions, mais imaginez après ça ce que seront les quatrièmes, troisièmes, deuxièmes et premières. Imagine. Mm-hmm. Et dans quelques instants, ça va être ailleurs dans les palmarès. Donc, on va écouter un petit peu de musique du monde. La semaine passée, on a écouté du loud, donc pour varier, de la musique du monde. Tout à l'heure, dans une, je dirais un petit peu moins d'une dizaine de minutes. Ben oui, on va avoir l'impression de se chauffer la couenne. Oh! Miam, ça me fait penser à quelque chose à la cabane à sucre de la couenne. C'est pas des oreilles de Chris? Des oreilles de Chris, ouais, y'a je pense que couenne, oui. Hein, y'a pas de couenne. Bon, si on veut y croire. Ouais, c'est ça. Y'a Pierre Quender, je pense, c'est un artiste qu'on fait. Wow! Ok, le highlight jusqu'à maintenant est clairement cette blague. Pierre Quenders, extra sirop d'érable, s'il vous plaît. Et voilà. Quatrième place anglophone, c'est Dead From Above 1979. Et leur extrait Trainwreck 1979 qui descend de deux places. Et ça monte, oui, ça monte d'une place au côté francophone également. Fanny Bloom avec la chanson Blanc, c'est tiré de son nouvel album Fun. Ah! Hey, parle-moi ça. Pain, oui. Pain. Pas mal, c'est fou. 89 FM. L'usine des. Si tu veux reprendre le fil de nos sentiments, je te dirai sois prudent. Mon amour à moi est grand. Si la maison brûle dans mes rêves souvent, c'est parce que j'ai peur pour toi. Tu as encore peur de moi. Pourtant j'ai tout repeint en blanc et j'ai ouvert la fenêtre. Je t'attends. Je suis fatiguée. Tout est From Above 1979 et Trainwreck 1979 qui descend de deux places en anglophone. Et ça monte d'une place francophone. C'est, on a écouté Fanny Bloom avec l'extrait blanc. Mm-hmm, tantôt, on passera à Machine Géante et à The Pretty Reckless. On dit que c'est bon, Pretty Reckless. C'est très, très bon. Mais avant ça, c'est l'heure d'aller voir un petit peu là, ah oui, ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Mon cerveau, le bloc, ça. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ça se passe ailleurs dans les palmarès. Des gros vos préférés. Attention. Oh, wow! Yeah! C'est ailleurs dans les palmarès parce que les palmarès, c'est fou. JP, c'est plus que seulement un top 20 francophone et un top 20 anglophone, n'est-ce pas? Exactement, Mathieu. Examen. Ce sera un examen, Mathieu. Oui, c'est également un top 30 des albums, un top 3 des disques canadiens, dis-je bien. Un top 10 loud et un top 5 de musique du monde. Oh oui, commençons par le top 30 des albums. Oui, j'y vais. Donc, c'était notre ancien numéro 1 top 30 album. C'est rendu notre position numéro 3. C'est Pretty Reckless avec l'album Going to Hell. Après ça, deuxième place, ça passe de 4 à la deuxième, c'est The Season avec l'album Pulp. Et en première place, c'est notre ancien numéro 3, Century Palm avec l'album Century Palm. Et ça donne que le top 3 des disques canadiens, c'est la même chose que dans le top 30 des albums. Donc, il n'y a pas d'intrus là-dedans. En troisième, Death From Above, 1979. Ah, en fait, il y a l'intrus. C'est l'intrus. Hey, attention, je regardais même, j'étais sûr de mon affaire. Okay. Mensonge! C'est le numéro 4 du top 30, numéro 3 des disques canadiens. Deuxième place, le reste, c'est vrai. Deuxième place, The Seasons avec Pulp. Et en première, Century Palm et Century Palm. Et voilà. Ça a été compliqué. Je pensais avoir fait une belle phrase avec ça. Mais oui, puis non. Mais oui, puis non. Peanut, oui, beurre de pin. Beurre de pin, ça veut dire peanut. Oui. Puis sub, c'est subwoofer. Sub, c'est subwoofer et non pas submarine woofer. Oui, exactement. Mettons, $12. Cherchez $12. Sub, moi, à $12. Hey, crément, ça serait cher de la livre, ça, 12 pouces, $12. Oui. Puis un extra pour la sauce. Ben oui, à côté. À côté. Ouais. En tout cas. Revenons à notre top 10 loud. Donc, on n'a aucune nouvelle entrée. On a oublié de le mentionner. Aucune nouvelle entrée nulle part. Non, dans tout ce qui est ailleurs de palmarès, aucune nouvelle. Donc, c'est notre ancien numéro 2, top 10 loud. C'est Ni Obliscaris avec Citadel, qui est en position numéro 3 cette semaine. L'ancien numéro 4, qui est en deuxième place, c'est At The Gates avec l'album At War With Reality. Et notre numéro 1, le même que l'année passée, voyons, Jean-Philippe, que la semaine passée, UDO avec l'album Décadent. Et dans le top 5 musique du monde, pour terminer, on va y aller avec la troisième place, qui monte de une, c'est What You Gonna Do, une pièce de Bella Fleck et Abigail Washburn. En deuxième place, c'est Mardi Gras featuring Jacobus par Pierre Quender sur l'album Le Dernier Empereur avant tout. Et en première place, ça monte de une, c'est Erad avec la pièce Fauché. Et on s'en va entendre, puis on a choisi ensemble à cause du jeu de mots de tantôt, je pense. Moi. Oui, c'est exactement c'est ça. C'est la seule raison. Oui, parce que avec le frais hein, qu'on connaît, avec le froid qu'on connaît les derniers temps... Ah, on s'est dit que ça serait bien d'avoir une chanson top 5 du monde bien pour sûr. Se chauffer la Quen. Pierre Quenders. Simplement. Et voilà. Pourquoi chercher plus loin? Se faire chauffer la Quenders. Ah. Les palmarès, c'est fou. Ailleurs dans les palmarès. Les mardis gras et les mardis. Mardi des gras à mes que des mecs. Je suis mon prepaid, mon sel est l'air de pépère. C'est ça que je dis à ma mère. Moi je suis sur le Mardi Gras trip, ça prend un sessif. À part de célébrer la journée avant le carême. Il faut que tu hausses le barème. Dépression, come on, il faut que tu passes le baton. Les Mardi Gras sont sur un grand voyage. Tu n'as pas du mourir. Faut qu'on l'en asseye. Tout le monde est suivre le courant. Des belles heures sorties la soir, ça sort du couvent. Whirlpool commence à flotte, la crème au top. La top down, boy around, ça sort des photos. Et tout le monde se presse, on va laisser faire la messe. Le cul de secours après les filles, ben on va laisser faire ce vie que bien te bénisse. Capitaine, capitaine, boy à côté. La moine du grand boyer. Vous salissez, ça y est. Alza, cause de l'ango. Quenders featuring Jacobus avec Mardi Gras. Ça, c'est dans le palmarès Musique du Monde. Et ça se retrouve en position numéro 2. Et vous pouvez écouter le top 5 Musique du Monde au complet. Où ça? À palmarès du monde! Tout simplement. Pourquoi les... pourquoi se compliquer la vie? Pourquoi, c'est ça, pourquoi trouver un nom autre que juste palmarès du monde? Mm-hmm. C'est les lundis à 18h avec David Ferron. Qui va vous ferroniser ça dans la place. Allez voir ces fois-ci pour les heures de rediffusion de Palmarès du Monde et retrouvez-le sur Facebook. Voilà. On retourne à nos top 20 parce que c'est fini pour ailleurs dans les palmarès. En anglophone, numéro 3, c'est l'ancien numéro 1. Ah oh là là. Ah ben voilà. Toutes les punches sont punchées. C'est fini, il n'y a plus aucune raison de rester. Non, faut savoir c'est quoi qui est maintenant numéro 1. On va savoir dans, j'irais peut-être un petit peu moins d'une demi-heure. Oui, un petit peu moins. Donc en anglophone, numéro 3, c'est The Pretty Reckless et Absolution sur leur album Going to Hell. Et côté francophone, ça monte d'une place pour se retrouver à la troisième place, Machine Géante, l'effet veuve noire. Comment? Ça, c'est une boule de poing. Ouais. On peut le rester fou. Elle chasse l'amour. aussi divertissant. Vous êtes dans la zone 89.1. Pretty Reckless et la position numéro 3, l'ancien numéro 1, Absolution. Et côté francophone, Machine Géante avec l'FFF noir. Ah, on approche du but encore et toujours. À chaque semaine, on est là, puis tu sais, quand il nous reste juste une demi-heure, on est tout excités. Oui. Pas qu'on a hâte de finir, là. Ça s'en vient. Ça s'en vient, les numéros 1. Ben, les numéros 1, ben oui. Ben oui. Puis les jeux de mots aussi. Les jeux de mots, et après ça, peut-être même un petit retour sur les pièces qu'on a sautées. Ah, la dernière demi-heure, c'est fabuleux. Oui, c'est le meilleur de tous les mondes possibles, tellement. Donc, dans les positions numéro 2, en anglophone, on retrouve The Seasons, formation locale avec The Way It Goes, ça monte de 3 places sur leur album Pulp. Mm-hmm. Et côté francophone, tout le monde s'est donné le mot. On monte de 1 également avec Kipler et la chanson Scaphandre. Ah, il remonte à la surface, faut croire. C'est pas mal, c'est fou. T'es pas si drôle que ça. Non, ben non. Et on est comme ça. Si j'hallucine, si j'écris des noms à l'encre de chine, partout sur les murs de mes pieds à ma tête, si je deviens fou, si je m'élance dans la vie. Je vous entends, je vous rirai pas. J'irai quelque part au fond de la The Way It Goes par The Seasons featuring Jean-Philippe Charbonneau. Oui, merci aussi. En deuxième place, c'est également francophone, ça monte Dune Kepler Scaphandre. Ça monte Dune Kepler. Dune Kepler. Une couple de Kepler. Ouais. tu prends Kepler sur à peu près un kilomètre. OK. Puis tourne à droite. Sur Boulevard Kepler. Kepler. Oui, c'est ça. Ah voilà. Oh boy. Donc les deuxièmes positions de chaque côté, on est rendu au numéro 1. Vous le savez, c'est le moment de faire des jeux de mots. C'est le moment où je ne regarde pas la feuille avant de le faire parce que sinon ce serait trop bon. Je préfère y aller n'importe comment et espérer que ça va donner quelque chose. Un peu comme moi aussi, un jour j'espère que ça donne quelque chose. Peut-être que si on continue d'espérer qu'on se met les doigts croisés derrière le dos, mais c'est un petit peu comme c'est le contraire en fait d'un band mettons qui jouerait. Mettons, je sais pas, mettons que We Are Wolves est en spectacle pour le show de la rentrée de la GEQTR à la Chasse Galerie. Ce soir mercredi 14 janvier 2015, mettons, hein? Mettons, exemple, on donne un exemple. Oui. Il y aurait un soundcheck qui aurait lieu pendant notre émission. Oui. Tu sais. Mais moi, est-ce que je vais de l'autre côté pour pratiquer mes jeux de mots sur le public? Ah, voilà. Non. C'est moi, je me retiens. Il va à chaud. J'y vais à froid. À froid, je pense. Ouais, à chaud, c'est. Lorsque arrangé avant. C'est ça. Froid, c'est quand tu fais d'un coussin. C'est comme, ouais. C'est comme quand t'arrêtes de fumer cold turkey. Oui. Cold turkey d'aile froide. C'est le mot qu'on utilise apparemment pour ça. Je connais pas ça. C'est un terme que seulement les rockers comprennent lors de leur concert rock. Eux qui fument tous pour avoir une voix de rocker, bien sûr. Ben oui. Ça va ensemble, ça va ensemble. Tout le monde, toutes les races en fait. Toutes les races, je sais qu'on peut pas faire de blagues de race. Mais tout le monde, peu importe leur couleur. Ben voilà. Voilà, tu vois, le couleur. La couleur est importante. Peu importe leur couleur. Tous aiment le rock. Voilà. Ça c'est en fait du côté francophone il y a aussi Dolce Désir comme titre puis là j'ai rien à dire là-dessus ça. Mais moi j'aurais dit comme peut-être ce soir tu vas aller manger une poutine au restaurant et puis tu vas désirer une petite douceur à la fin, une petite Dolce sucré Dolce sucré un petit dessert, ou peut-être que je vais aller genre chez peu importe là, dans un club vidéo puis croiser une jolie dame qui va me servir peut-être? Mon DVD puis je vais lui demander une petite faveur, un petit dessert s'il vous plaît, un Dolce Désir parce que je désire Dolce Désir. Salut fille de chez Micropé, je peux pas. Ça c'est du côté francophone, du côté anglophone, malheureusement. Et le seul gag qui me vient est inapproprié pour la radio. Et ça reste un public de 18 ans et plus. Mais si mon Dolce Désir de chez Micropé est refusé, apparemment que je devrais me fier seulement sur ma paume. Century Palm! C'est une joke de l'assommation! Ouais, fait que c'est à peu près ça. Puis sinon, ben, le nom de la pièce, c'est To The Eater. Puis j'ai pas de mots à faire avec ça, à part si la fille, elle s'appelle Esther. Puis je trouve que si t'es en bas de 30 ans, tu t'appelles Esther, c'est bien, bien rare de nos jours. Voilà. Oh, incroyable. Mais Mathieu, j'ai décortiqué ça pour tout le monde qui n'a peut-être pas compris. Donc, vous le savez, vous avez compris qu'on est quand même au numéro 1 côté anglophone et anglophone. Anglophone et anglophone. Ça, j'ai dit? Oui. Ah! Je pense, pas sûr. Ben. Ouais, c'est ça, c'est les choses. C'est quoi j'ai dit la semaine passée? Les choses font bien les choses. Les choses font bien les choses. Le palmarès anglophone ainsi que l'anglophone. Aussi, ne pas oublier, s'il vous plaît, l'anglophone. Oui. Est-ce que je vous ai parlé aussi du côté top 20 anglophone cette semaine? C'est un oubli facile à faire. Oui. Donc, on a côté francophone. Le Couleur, c'est la chanson Concerto Rock. C'est tiré de l'album Dolce Désir. Et notre numéro 1 côté anglophone, cette fois-ci, c'est Century Palm. Avec la pièce To The Eater. Et puis, c'est tiré de l'album Century Palm. Puis le numéro anglophone, lui. C'est Joe. Oui, on a un palmarès anglophone. Joe. Oui, on a ça. C'est nouveau de cette année. Wow. En fait. Welcome to 2015, GP. Yeah. Alors, on écoute ça, les numéros 1 au palmarès, c'est fou. 89 FM. Puis après ça, on revient, tu sais. Oui, super. Ça encore 15 minutes. On va vous en faire jouer de la musique. Wow, c'était L'usine des hits. L'usine des hits. C'était mon gag, non? Oui, je sais. Je récupère tout ce que je peux. Allez, donne-tu les hits. Oui. We'll be right back. première position. Numéro 1 de chaque côté. En anglophone, on vient d'entendre Century Palm et To The Aether qui monte de deux places. Et qui monte d'une place côté francophone, c'est Le Couleur avec Concerto Rock. Ah, c'est déjà tout pour les paparazzi fous de cette semaine, Jean-Philippe Chambonneau. Ah, ça passe à une de ces vitesses. Ah, ça a pas l'allure, 3 heures qui ont l'air d'être 2h55 environ. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi, entre 15h et 18h. Après nous, c'est Audiomatique, l'émission de musique électronique. On repasse les vendredis à 17h. Après nous, les Bonnets Rouges, Jessica et Polka. Et finalement, les dimanches, entre midi et 15h. Restez à l'écoute et visitez cifou.ca pour la programmation complète. Assemblagerocky.com. Pour les notes de l'émission, les balados de diffusion. Merci Jean-Philippe Charbonneau. Merci beaucoup, Mathieu Plante. On se quitte avec une pièce qu'on a sautée précédemment dans l'émission, c'est-à-dire la position numéro 15 anglophone. C'est Return for Refund avec TV Light. Merci Mathieu. T'as vu que j'étais absent complètement, hein? J'ai fait un demi sing, c'est ouais, vrai. J'étais comme à la semaine prochaine, j'en prie. À la semaine prochaine. Bye!